Chapitre 18e. Lorsque le duc de Carlepont sonna chez Madame d'Albreuse, ce n'était plus le rude habitant de la Cormelle. Le gentilhomme des anciens jours avait reparu. Comme le valet de pied lui demandait sa carte pour savoir si sa maîtresse était disposée à recevoir, « Ce n'est pas la peine, dit-il, annoncez simplement Monsieur de Carlepont. Monsieur de Carlepont, répéta cet homme. Oui, allez. » Le duc avait dans le geste et le regard quelque chose qui commandait l'obéissance. Le domestique s'avança vers l'appartement de Madame d'Albreuse et annonça Monsieur de Carlepont. Madame d'Albreuse se leva, fit un pas et s'arrêta. « Monsieur le duc de Carlepont, s'il vous plaît, » répéta le duc en s'inclinant. « Je n'avais pas l'honneur de vous attendre, monsieur. Cependant, vous pensez bien que je vous devais une visite ?» Les yeux des deux interlocuteurs ne se quittaient pas. Un sourire aimable errait sur les lèvres du duc. Il avait un air d'aisance singulier, la voix tranquille, dans le visage aucune émotion. « Cet homme est en fer, » pensa Madame d'Albreuse. « Je lui ferai voir que je suis en acier. »« Vous plaît-il, madame, que nous causions ?» reprit Monsieur de Carlepont en montrant un siège à Madame d'Albreuse avec toute l'exquise politesse d'un homme du monde. « Mais à la manière dont vous faites les honneurs de ma maison, il me paraît au moins difficile de vous refuser cet entretien. Je le sollicite de votre bonne grâce et je vous crois trop d'esprit pour ne pas me l'accorder. » Madame d'Albreuse agita une sonnette. « Je n'y suis pour personne, » dit-elle. Elle s'assit, repoussa les plis de sa robe avec un geste mignon, croisa les mains sur ses genoux et attendit. « Madame, mon fils, a, je crois, l'honneur d'être reçu chez vous, » reprit le duc. « Je l'y vois souvent, en effet, et toujours avec plaisir. » À la manière dont il m'a parlé de vous, je dois supposer qu'il professe pour la personne aimable qui lui a ouvert sa maison des sentiments où l'admiration le dispute à la tendresse. Madame d'Albreuse posa nonchalamment le coude sur ses genoux, appuya son joli menton rose dans la paume de sa main et dardant sur le duc des yeux clairs et doux. « Si vous voulez dire par là qu'on rit même de toute son âme, n'hésitez pas, » reprit-elle. « Vous vous éviterez ainsi des circonlocutions et des périphrases qui sont d'un usage fatigant. » « Voilà un rare exemple de franchise. Me permettrez-vous de l'imiter ?»« Je fais mieux, je vous en prie. » « Alors laissez-moi vous demander s'il est vrai que l'expression de ces sentiments vous ait touché à ce point que vous ayez conçu le projet champêtre d'ensevelir cet amour dans une retraite ignorée. » Monsieur le duc, ceci n'est plus de la franchise, c'est presque de l'indiscrétion. Quoi? Pour une nuance, vous hésitez? Si peu que je vous réponds simplement, oui, c'est vrai. Monsieur de Carlepont prit une praline dans une boîte de bonbons ouverte sous sa main, la croqua et saluant. Ainsi vous introduisez le roman dans la vie réelle en plein cœur de Paris. Vous m'étonnez beaucoup, madame. Avez-vous réfléchi aux conséquences de ce projet? Un peu trop printanier peut-être pour la saison? « Oui, monsieur, j'y ai pensé un soir en me coiffant et c'est assez. Vous voyez que je ne déguise rien. Je vous en remercie. »« Maintenant que cela vous étonne, je le conçois. Mais que je tienne à mon roman, cela est. Ce que je sais des réalités de la vie et du bonheur qu'elle rapporte m'autorise à croire que la fantaisie ne saurait être pire. Je vais en essayer. On vous a parlé de moi, je le sais. Il y a des femmes qui doivent à leur beauté ou à leur situation, comme il vous plaira, le fâcheux privilège de défrayer les loisirs des sots. Mais on ne vous a pas tout dit. Je ne suis pas une femme abandonnée ou méconnue. Le rôle est trop vieux pour que j'en essaie. Il ne m'appartient pas non plus de juger M. d'Albreuse. J'ai le regret de porter son nom, cela suffit. Un jour, après 1000 fêtes où je rencontrais les mêmes visages et 1000 promenades où je croisais les mêmes calèches habitées par les mêmes personnes, il m'a semblé que la monotonie de cette existence creuser un abîme au-dedans de moi. Un jeune homme s'est alors trouvé sous mes pas, qui s'est mis à m'aimer avec une ardeur et une vérité qui ne sont pas dans les habitudes du monde. Si je vous disais que mon cœur s'est ému, vous ne me croiriez guère. Je me dispenserai donc de paroles inutiles. J'ajouterai seulement, pour terminer ma confession, que le désir m'a prise, un désir fou, impérieux, violent, de voir si l'amour tiendrait une part des promesses de la vie, une part. Ce serait beaucoup. Je vais encourir le risque. Avec Henri. Avec Henri. Mais Henri a un père qui s'appelle le duc de Carlepont. Et ce père, c'est vous? Oui, madame. J'en suis convaincu, monsieur, mais Henri est majeur, et il m'aime, monsieur le duc. Lorsqu'il me verra entre vous et lui, il hésitera. Essayez. Monsieur de Carlepont se leva à demi, puis se rasseyant. On ne saurait mettre plus de grâce dans la franchise, reprit-il. Permettez-moi donc de poursuivre l'entretien. Ce désir qui vous pousse à voyager vous fait commettre une imprudence. Si ce n'était qu'une faute, ce ne serait rien. Mais une imprudence, madame, presque une étourderie, c'est trop. Songez-y. Expliquez-vous. Que vous partiez avec un grand seigneur, un banquier 20 fois millionnaire, ou quelque prince romain, je le conçois. Il y a quelqu'un derrière vous, et avec ce quelqu'un, une situation, un état dans le monde, un rang. Vous êtes compromise, perdue même, mais vous ne tombez pas. Or, quand on ne s'arrête pas à la signification grammaticale des verbes, qu'importe. On sait de grandes dames qui ont joué cette partie et qui se sont trouvées debout, même après ne l'avoir pas gagnée. Vous raisonnez puissamment, monsieur le duc, un homme qui sait les choses. C'est que je parle à une personne qui les a vues. Continuez, répliqua madame d'Albreuse qui sourit. Si au contraire vous disparaissez avec un jeune homme qui n'a point de surface, sans état, sans situation, qu'est-ce ? Une escarpade. Oh, une escarpade, c'est un mince régal pour une parisienne. Vous oubliez que Henri porte votre nom. Un nom n'a de valeur aujourd'hui que parce qu'il représente. Or, Henri n'a rien, en êtes-vous bien sûr ? Ce fut comme un coup de tam-tam éclatant au milieu d'un orchestre où les violons et les flûtes exécutent délicatement une symphonie. Ah, j'en étais sûr, voici que les batteries se démasquent, pensa le duc. Son regard croisa celui de madame d'Albreuse qui souriait en chiffonnant un ruban de son corsage. « Mais, reprit monsieur de Carlepont, tranquillement, il me semble que je dois le savoir. Demandez à la maison Thomson, Burnside et compagnie, de Londres. Ces messieurs ont là-dessus une opinion diamétralement opposée à la vôtre. » Le duc éclata de rire. « Ah, pauvre chère madame, si vous comptez sur les ressources de la maison Thomson, Burnside et compagnie pour voyager, partez, vous n'irez pas loin. » Madame d'Albreuse se redressa vivement. Si maîtresse qu'elle fût d'elle-même, un grand trouble se peignait sur sa physionomie. Elle avait devant elle un visage placide et gai où le regard le plus fin ne pouvait découvrir qu'une nuance légère d'ironie. Un instant, elle resta silencieuse et comme écrasée par cette indifférence. Puis, tout à coup, le sentiment de sa défaite lui revint, elle rougit, et à son tour essayant de sourire. « Vous avez été diplomate, je crois, monsieur le duc, » dit-elle. Quelque temps, mais fort peu. Cependant, puisque vous invoquez ce souvenir de mon passé, vous plaît-il que nous causions comme deux ambassadeurs pour qui aucune dépêche n'a plus de secret ? À vous parler franchement, j'en serais fort aise. Eh bien, madame, vous avez fait fausse route sur un renseignement exact, mais incomplet. Oui, mon nom se trouve, il est vrai, sur les livres de la maison Thomson, Burnside et compagnie, et plût à Dieu qu'il eût été toujours fidèle à ces bons endroits où rien ne se perd. Malheureusement, vous avez négligé un détail qui a une grande importance dans la question qui nous occupe. Le duc laissait tomber ses paroles une à une, posément, comme s'il eût été dans le cabinet d'un homme d'affaires. Sa voix avait le ton juste, sa bouche son mouvement naturel. L'impatience dévorait Julie. Quoi qu'il dise, un mensonge ou la vérité, voilà un homme dont je ne viendrai pas à bout facilement, pensa-t-elle. Puis d'une voix haute. « J'écoute et ne comprends pas encore, » ajouta-t-elle. « Savez-vous ce qu'est un fidéicommis ?» reprit M. de Carlepont. Madame d'Albreuse fit un mouvement de tête affirmatif. « Si vous le savez, » continua le duc, « tout le secret de la situation est dans ce mot. Napoléon a dit, « Grattez un russe et vous trouverez un cosaque. La vérité est que, sans être russe, j'ai mon cosaque. Grattez M. de Carlepont et vous trouverez M. de Bléré. » « Monsieur de Bléré, le Breton, votre compagnon de voyage, votre frère d'armes, votre ami, je vois que vous n'avez plus rien à apprendre. » Cette fois, madame d'Albreuse ne répondit pas. Elle était altérée. Tous ses plans s'écroulaient comme un château de cartes renversé par le souffle d'un enfant. Le duc venait de se lever et la saluait avec la politesse souriante qu'un homme qu'une visite d'une heure a mis tout à coup, et sous l'influence de circonstances particulières, dans l'intimité d'une femme. Un dernier effort rendit à madame d'Albreuse tout son sang-froid, et comme un vaincu qui rend coup pour coup et se venge en tombant. « On n'a rien perdu, » dit-elle, « quand on garde le cœur d'un homme qui porte votre nom. »« Vous me comblez, » répliqua monsieur de Carlepont qui s'inclina jusqu'à terre et sortit. « Hé hé, » pensa-t-il quand il fut dans la rue, « mon aimable adversaire vient de dire un mot qui ne fait pas prévoir une capitulation. » Je serais bien surpris, cependant, si madame d'Albreuse n'était pas encore à Paris dans 8 jours. La porte fermée, madame d'Albreuse griffonna à la hâte un billet par lequel elle priait M. David Lindsdale de passer chez elle en toute hâte. L'anglais accourut. « Vous m'avez toujours dit que vous étiez pour les femmes contre les hommes, » dit-elle. « Je suis à la veille de jouer une partie décisive. Ne me demandez ni pourquoi, ni contre qui. Soit, je ne suis pas en humeur de jouer sur les mots. Mais j'ai besoin de vous. Êtes-vous disposé à me servir ? Oui. Eh bien, il faut que je sache, dans le plus bref délai, quelle est la position exacte, entendez-vous, de M. le duc de Carlepont chez M. Thompson, Burnside et compagnie. Ne vous payez pas de chiffres, cherchez au fond. J'ai quelques raisons de soupçonner que cette situation n'est pas telle que vous la croyez. Ne perdez pas une minute et sachez tout. » Deux jours après, Sir David se présentait chez Madame d'Albreuse. Il avait l'air un peu confus. Je lui eus un léger frisson à sa vue. « J'ai peur d'avoir fait une sottise, » dit l'anglais, « et de vous avoir par ricochet entraîné à faire une étourderie. »« Laissons là les étourderies et les sottises, » reprit-elle. « La vie en est pavée. D'ailleurs, rien n'est perdu, quand tout peut être réparé. Allons en fait. Avez-vous une réponse ?»« La voici, » continua Sir David. « Ah, vous aviez raison, les chiffres ne prouvent rien. » Il tira de sa poche une lettre timbrée de Londres et l'ouvrit. « Qui diable eût soupçonné cela ?» reprit-il. « Eh, donnez donc !» s'écria Madame d'Albreuse. Elle s'empara vivement du papier et lut ce qui suit. « Votre demande nous est arrivée 24 heures après une dépêche télégraphique par laquelle Monsieur le duc de Carlepont nous donnait ordre de décacheter un pli qu'il nous avait confié dès l'origine de nos relations. Nous l'avons ouvert. Voici la copie exacte de ce que contenait le papier. » Je prie Messieurs Thompson, Burnside et compagnie de remettre à M. de Bléret sur sa demande, mais sur sa demande seulement, à quelle époque que ce soit et en quel lieu qu'il soit, les sommes et valeurs de toute nature que j'ai déposées chez eux. Seul, il en a la libre disposition. Au cas où je viendrai à mourir subitement, ces sommes et ces valeurs doivent lui être expédiées sur le champ. Au bas de cette déclaration était écrit le nom et l'adresse de M. le comte de Bléret. Nous croyons que ces renseignements répondent suffisamment aux diverses questions que vous nous avez adressées. M. d'Albreuse froissa le papier. À quelle époque ont commencé les relations de M. le duc de Carlepont avec la maison Thompson, Burnside et compagnie ? Dit-elle d'une voix nerveuse. Oh, il y a longtemps, 15 ou 20 ans peut-être. Vaincu, murmura Julie. Elle se leva et ouvrit une fenêtre. On étouffe ici, reprit-elle. Une femme de chambre entra et annonça que M. Henri de Carlepont attendait dans la pièce voisine. « Je n'y suis pas !» cria Mme d'Albreuse. « Vous êtes charmante !» murmura l'anglais qui s'inclina sur la main de Julie. Deux ou trois heures après, M. de Carlepont rencontrait M. de Bléret sur le boulevard. « Ville gagnée !» lui dit-il. « Je viens de voir Henri, il avait le visage d'un mort. » Mais dans la soirée, Mme d'Albreuse recevait une lettre qui arrivait du fond de l'Allemagne. Ses joues devinrent blanches. Elle approcha le papier d'une lampe comme pour mieux en voir les caractères et la relut par deux fois. « Ah, je me suis trop pressée, » dit-elle. « Mais qui pouvait croire ?» Elle réfléchit une minute et poursuivant son monologue par phrases entrecoupées. « Il m'aime. Si je le rappelle, il reviendra. Je mettrai ce caprice à l'instant sur le compte d'une migraine et je dirai « Qu'importe ce que je dirai, il me verra, cela suffit. » Ses yeux s'arrêtèrent de nouveau sur le papier qu'elle tenait à la main. « Veuve, » reprit-elle, « ah, comme il m'aimait, ce pauvre monsieur d'Albreuse. Est-ce ma faute aussi? Il m'avait poussé tout en haut. La tête m'a tourné. À présent, je suis seule. Laissons les morts à la mort et pensons aux vivants. Faut-il le rappeler, cet Henri qui m'adore? Et pourquoi? Je suis jeune et je suis libre. Les occasions courent les rues de Paris et je puis attendre. Eh, le puis-je? Et combien de temps durera-t-elle cette attente fiévreuse? Au bout de quelques mois, mes ressources ne seront-elles pas épuisées? Que faire alors? Les écrins sont à moitié vides, et un flot de fournisseurs à bout de patience heurte à ma porte. Si je glisse, je suis perdu. Quand on a été du monde, il n'en faut pas sortir, et la pente est rapide. Si Henri n'a plus cette fortune qui permet un matin de partir bravement pour l'Italie, il a un nom qui permet d'en faire un mari. Un nom, c'est la raquette qui chasse et fait rebondir le volant. Le levier qui soulève les montagnes. Marquise de Carlepont, un jour duchesse, car de ce côté-là, rien de faux. Je suis l'égal des plus fiers. Ce qu'ils n'auraient pas fait pour Julie, les hommes le feront pour la marquise. Ils sont si plats, si lâches, si vaniteux. Avant 3 mois, je l'aurais poussé dans les grandes affaires ou vers les ambassades. Le reste me regarde. Ce dernier mot la fit tressaillir elle-même comme si elle eût entendu le son d'une cloche. Je me souviens du jour où j'entrais dans l'église avec le voile de mariée sur le front, reprit-elle. Ah, que c'est loin! Et quelle est longue cette route que j'ai parcourue! Qu'elle me serve du moins, la triste expérience que j'ai éprouvée, à voir la vérité face à face. Je touche à cette frontière au-delà de laquelle s'ouvre un abîme. Encore un pas et j'y tombe. Un mariage peut seul m'arrêter et me maintenir à la place où je veux rester. Mais puis-je me dissimuler qu'à cette limite extrême où je suis arrivé, il n'y a plus que la main d'un aventurier ou la main gênue d'un croyant qui consente à prendre une moitié de ma vie? La main gênue s'offre, je la prends. Tant pis pour elle. Disparaisse donc, madame d'Albreuse. Voici la marquise de Carlepont. Le roi est mort. Vive le roi! Elle sauta sur une plume et n'écrivit que ces quatre mots. Venez, je vous aime. Peu d'instants après, Henri était chez elle, à ses pieds. J'ai tout fait, je respire, dit-il. Mais pourquoi me faire cette peine horrible? Vous n'étiez pas seul et... Madame d'Albreuse passa ses deux bras autour du cou d'Henri, la tira sur sa poitrine et l'embrassant sur le front. Tais-toi, dit-elle, j'étais folle. On m'avait dit que tu en aimais une autre. Et tu as pu croire? Tiens, ne me trompe jamais, j'en mourrai. L'ivresse gonflait le cœur d'Henri. Tout à coup, Julie se dégagea de ses bras. « Mon ami, reprit-elle d'une voix tremblante, dans une heure, je vais savoir si véritablement vous m'aimez, et j'ai peur. »« Peur, vous? Mais que faut-il faire? Parler, et je jure. »« Ah, ne jurez pas! Le réveil sera peut-être terrible. »« Êtes-vous bien à moi, Henri, comme je suis à vous, tout entière. »« Vous ne le sentez pas? Mais est-ce que je ne vous appartiens pas du premier jour que je vous ai vu? Y a-t-il dans ce cœur qui bat sous votre main une pensée qui ne soit pas à vous, une autre image que la vôtre? Je ne vis que pour vous, Julie. Hors de vous, il n'y a rien. Regardez au fond de mes yeux et dites-moi si vous doutez encore. Ah, j'ai besoin de vous croire. Depuis que je vous aime, j'ai retrouvé tous ces biens perdus, l'illusion, la crainte, les terreurs de l'amour, l'espérance aussi que j'avais oubliée. C'est comme une autre jeunesse que vous m'avez rendue. Mais un mot ne va-t-il pas tout détruire? Et ce mot... Cependant, je dois le dire. » Elle prit l'une des mains de Henri entre les siennes et le couvrant d'un regard désolé. « Vous allez peut-être me repousser, mon ami. »« Julie !»« Henri, c'est Julie que vous aimez. Dans une heure, peut-être, elle portera les vêtements noirs d'une veuve. Cette main que vous m'avez tendue, la laisserez-vous dans la mienne ?» Henri tressaillit et se leva. « Veuve ? » s'écria-t-il. « Ah, j'en étais sûr, l'épreuve a tourné contre moi. Vous vous trompez, Julie ?» Mais si cette main que vous teniez tout à l'heure, je dois vous la laisser. Il faut d'abord qu'elle tue quelqu'un. Quelqu'un, répéta madame d'Albreuse. Et ce que vous m'avez confié déjà, ne vous le rappelez-vous plus? Reprit Henri d'une voix vibrante. Je n'ai rien oublié. Il y a quelqu'un qui vous a aimé, que vous avez aimé. Ah, les confidences, quelle maladresse, pensa Julie. Il faut que celui-là meure. Si donc vous voulez que ma vie reste unie à la vôtre à tout jamais, il est un nom. « Que vous devez me dire, vous à mon bras, vous ma femme, m'exposer à rencontrer un être qui vous a trahi, vous voir rougir et courber le front sous le regard d'un inconnu, c'est impossible. Votre franchise m'a fait voir que vous étiez d'une nature droite et loyale. Vous m'êtes devenu plus cher, mais j'ai le droit de tout savoir, et j'exige une confession qui ne recule devant rien. » Madame d'Albreuse regardait Henri et se taisait. « Hésiteriez-vous ? » reprit-il. « Ah, si j'hésite, c'est pour vous. » Que me fait sa vie? Existe-t-il pour moi? Que puis-je craindre si vous m'aimez? S'écria Henri avec la naïve et superbe exagération de sa jeunesse. Julie tomba dans ses bras.